sera parti, sera loin. Façon d'embrasser, nous trois collègues. Thank you. brancher la guitare. Ah, il n'y a plus rien. J'entends plus rien, moi. Ah oui ? Il y a tout à fait un blanc, là. Ah, salut. Salut. Ah bah t'es là ? T'es où alors ? Je sais pas moi, t'étais parti. Yeah, I'm happy. Yeah, I'm happy. tire sur le 1. Ah cool. Demain, je serai loin. Mon chagrin sera parti très loin. Je saurai très bien reconnaître mon chemin. Déjà, déjà. déjà près de moi. Je sens cette peau contre moi. Pour un autre que moi, je réveillerai votre rêve où tu n'es rien, où tu n'es pas. Alors demain, demain, mon chagrin, chagrin. Si, si. We talk about we talk avec mon anglais pourri. We talk about Jamtava. Et... You know what I mean, see, I'm not a dicky. Do they really bother to take? Thank you. Allez, Edo. Ça coupe, Edo. Okay, I want to play bass. Better. Play bass better. I'm looking. Salut, Edo.